بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence إن شاء الله تعالى. On commence et on finit إن شاء الله puisqu'on va prendre un seul cours pour ce sujet. Al-Khula. C'est un sous-chapitre qu'a cité l'imam Sa'di rahimahullah dans son livre Manhaj al-Salikin avant d'aborder le sujet du talaq. Et donc il dit l'auteur rahimahullah babul khul', le sous-chapitre concernant le khul', huwa firaku zawjatihi bi'iwadin minha aw min ghayriha. Et donc c'est la séparation venant de sa femme, et donc c'est la séparation qui vient de la femme de l'homme par un donc en échange de quelque chose, en échange de quelque chose, la dot ou autre, comme on le verra inshallah ta'ala. Et donc cette femme qui va donner quelque chose pour que son mari la libère et pour mettre fin à ce mariage. Et il se peut que ce soit quelqu'un d'autre qui le donne. Il se peut que ce soit la femme, ou il se peut que ce soit quelqu'un d'autre qui dise, je vais payer cela pour la femme qui veut le khul, et le mari l'accepte, et il donne le khul à la femme, cela est donc permis. Il faut savoir que les savants sont unanimes quant à la licéité du khul, le fait que la femme, elle puisse avoir son khul si elle le désire, et on verra biiznillah ta'ala les conditions de cela. Il nous dit l'auteur rahimahullah wal aslu fihi qawluhu ta'ala, et la base de cela, la base qui montre la licéité du khul, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, fa in khiftum an la yuqima hududallahi fala junaha alayhima fi maftadat bi. Et donc si vous craignez que eux deux ne respecte pas les limites d'Allah, les limites qu'Allah tabaraka wa ta'ala a placées dans le mariage. Si vous craignez que eux deux ne respectent pas les limites d'Allah, alors il n'y a pas de mal dans ce qu'elle aura donné pour se libérer. Il n'y a pas de mal dans ce qu'elle aura donné pour être libérée, pour mettre fin à ce mariage. Il dit l'auteur rahimahullah, فَإِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ خُلُقَ زَوْجِهَا أَوْ خَلْقَهُ وَخَافَتْ أَنْ لَا تُقِيمَ حُقُوقَهُ الْوَاجِبَةِ بِإِقَامَتِهَا مَعَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْذُلَ لَهُ عِوَضًا لِيُفَارِقَهَا. Et donc, si la femme déteste le comportement de son époux, ou alors elle déteste son physique, et qu'elle a peur que cela entraîne qu'elle ne lui donne pas ses droits obligatoires en restant avec lui, alors à ce moment-là, il n'y a pas de mal à ce que cette femme paye afin qu'il se sépare d'elle. Il n'y a pas de mal à ce que cette femme donne quelque chose afin que son mari se sépare d'elle. Et certes, cela s'est produit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bukhari rahimahullah, il cite dans son sahih, d'après Ibn Abbas radiallahu anhuma, qui dit Namra'atan ou Imra'ata Thabit ibn Qays atat al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam faqalat Ya Rasulallah, Thabit ibn Qays ma a'tibu alayhi fi khuluqin wala din walakinni akrahu al-kufra fil islam. Et donc Ibn Abbas qui dit que la femme de Thabit ibn Qays est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant ô messager d'Allah, Thabit ibn Qays, je n'ai aucun reproche à lui faire quant à son comportement ou la religion, cependant je déteste al-kufr fil islam. Est-ce que ce qui est voulu ici, c'est la mécréance en islam? Certains savants nous disent que ce qui est voulu, c'est « je déteste les causes de la mécréance en islam ». Et donc, je déteste tomber dans des péchés qui peuvent entraîner la mécréance en islam. Le fait de manquer à mes devoirs conjugaux, etc. À cause du fait que je ne l'aime pas, je ne suis pas attiré par lui, il se peut que je sois injuste envers lui et que cela me pousse à l'incroyance. Certains savants nous disent que ce qui est voulu ici, el kufr, parce qu'on va utiliser le terme kufru ni'ma. Kufru ni'ma, et donc c'est l'ingratitude, le manque de reconnaissance. Car je déteste l'ingratitude avec l'islam. Et donc je déteste le fait d'être ingrate envers mon Seigneur, ingrate envers mon mari, etc. Et dans certaines narrations, il est cité que cette femme, elle a dit « Là, utekuhu, je ne le supporte pas. » Et donc je n'ai aucun reproche à lui faire dans son comportement, dans la religion, mais je ne le supporte pas. Dans une autre narration, elle dit, il est dit donc « Wakan rajulan zamiman » dans une autre narration, il est dit « Cet homme, il était un homme qui était... Il était moche, il n'était pas beau. » Et donc cet homme, il n'était pas physiquement... Le problème donc venait de son physique. Et cette femme, elle ne le supportait pas. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à cette femme, « Etaruddina alayhi hadiqata » Est-ce que tu lui rends son jardin ? Est-ce que tu lui rends son jardin ? Et donc, c'était la dot. C'est la dot que cet homme avait donnée à cette femme. C'était ce jardin ou un parc. Elle a dit oui, je lui donne. Alors là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Thabit, اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. Il a dit à Thabit, accepte le jardin, et donc reprend le jardin, la dot que tu lui avais donnée, et طلقها, donne-lui le talaq. Dans une narration, il lui a ordonné de se séparer d'elle. Et donc, Thabit ibn Qais, radiallahu anhu, cet homme qui, physiquement, n'était pas très beau physiquement, mais il n'y a pas de mal en cela. Il n'y a pas de mal en cela. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit, إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Certes, les plus nobles pour vous, les plus nobles d'entre vous auprès d'Allah sont les plus pieux parmi vous. Ce ne sont pas les plus beaux ou les plus riches ou autres, les plus pieux. Et cette femme qui a voulu divorcer et se séparer de lui, et donc elle n'avait aucun reproche à lui faire dans sa pratique religieuse. Et donc au final, Thabit radiallahu anhu, il ne lui est pas reprochable, on ne peut pas lui reprocher cette séparation. Et d'ailleurs, Thabit ibn Qais, barakallahu fikum, pour ceux qui ne savent pas, il fait partie de ceux qui étaient annoncés au paradis. Il fait partie de ceux, donc, dont l'annonce du paradis leur a été faite de leur vivant. L'imam Muslim, il cite dans son sahih, d'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qui dit, لما نزلت هذه الآية lorsque ce verset est descendu يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي oh vous qui avez la foi n'élevez pas la voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Et ne lui parlez pas à voix haute, comme vous vous parlez mutuellement à voix haute, parce que là vous parlez au prophète là. Sans quoi vos œuvres deviendront vaines, sans que vous ne le sachiez. Et donc lorsque cette parole fut révélée, جَلَسَ ثَابِتٌ ابن ثَابِتِ ابن قَيْسٍ فِي بَيْتِهِ ثَابِت, il est resté dans sa demeure. Et il a dit, أَنَا مِنْ أَهَلِ النَّارِ. Et il disait, je fais partie des gens du feu. واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc, il est resté chez lui et n'allait pas voir le prophète صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن معاذ. Et donc, le prophète صلى الله عليه وسلم, il a demandé à سعد ابن معاذ. Il lui a dit, يا أبا عمر ما شأن ثابت. Oh Abu Amr, qu'est-ce qui arrive à Thabit? Thabit ne vient plus, qu'est-ce qui lui arrive? Ashtaka, est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il souffre de quelque chose? Et donc Saad, il est allé voir. Il est allé voir, donc Thabit, il a dit non, il va bien. Ma alim toulahu, chaque fois, je n'ai pas entendu qu'il se plaignait ou qu'il souffrait de quoi que ce soit. Qala fa atahu Saadun. Et donc, il est allé voir Saad. Et donc Saad est allé le voir, il est allé voir Thabit. Fadhakara lahu qawla Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Saad, il a dit à Thabit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Thabit, il a répondu: "Anzalat aw unzilat hadhihi al-aya. Wa laqad alimtum anni min arfa'ikum sawtan ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam." Thabit, il a dit: certes, ce verset est descendu et vous savez très bien que c'est moi qui élève le plus la voix quand je m'adresse au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Thabit, il avait une voix qui portait. Il avait une voix qui portait. Et donc, il avait une voix qui portait sans qu'il le fasse exprès. Et donc, il pensait que ce verset était descendu par sa cause et que Saya, il était voué à sa perte. فأنا من أهل النار. Alors il dit, je fais partie des gens du feu. Alors Saad a cité cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, بل هو من أهل الجنة. Il a dit non, mais il fait partie des gens du paradis. Anas, dans une narration, Anas il dit, on le voyait marcher parmi nous. On voyait un homme du paradis marcher parmi nous. Thabit ibn Qais radiallahu anhu. Et donc l'auteur qui nous dit, rahimahullah, wa yasihu fi kulli qalilin wa kathirin wa mimman yasihu talaquhu. Et donc le khul', il est valable avec toute somme, qu'elle soit petite ou grande, de toute personne dont son talaq est valable. Alors là, ici, il y a deux sujets dans cette phrase que l'auteur vient de nous citer. Premier sujet, le fait que le khul, il va être valable avec toute somme, qu'elle soit grande ou petite. C'est-à-dire que ce sont les deux époux qui se mettent d'accord. Les deux époux peuvent se mettre d'accord sur le fait de payer plus que la dot. Et donc, l'homme, la femme qui demande le khul, et sa dot qu'elle a eue au début du mariage, c'était 3000 euros par exemple. L'homme qui lui dit, ok, si tu veux, je peux te le donner, mais c'est 5000 euros. Je t'ai donné 3000 euros, maintenant j'en veux 5. Si la femme, elle accepte, ils se mettent d'accord, c'est 5000 euros. Il se peut que l'homme, il dise, ok, d'accord, ben, 1000 euros. C'est pas grave, frère, Inch'Allah, 1000 euros. Ils se mettent d'accord. Et donc, la vie le plus juste, Inch'Allah ta'ala, c'est que cela est permis. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans son livre, فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ. Si vous craignez que les deux ne respectent pas les limites d'Allah, alors il n'y a pas de mal qui leur est fait à tous les deux dans ce qu'elle aura donné pour être libérée. Dans ce qu'elle aura donné, c'est une parole qui est générale. C'est une parole qui est générale. Et la deuxième partie, lorsque l'auteur il nous dit que leur khul est valable pour tous ceux dont leur talaq est valable. Donc on fait la différence entre le talaq et le khul. Le talaq, il vient de l'homme, le khul vient de la femme. L'homme, quand est-ce que son talaq va être valable? Et donc celui dont son talaq est valable, c'est celui qui est doué de raison. Celui qui est, par exemple, qui a perdu la raison, il a perdu la tête. Alors lui, son talaq n'est pas valable. De la même manière que le khul non plus. La femme qui voit que son mari, il a perdu la raison et elle en profite pour lui demander le khul et lui, il lui donne, le khul n'est pas valable. Le khul n'est pas valable. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, fa in kana li ghayri khawfin an la yuqima hudud Allah, fa qad warada fil hadith من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. سبحان الله. Et donc il nous dit l'auteur, rahimahullah, si la demande de khula, la demande de divorce qui vient de la femme, elle est faite sans qu'il y ait donc une crainte quant au respect des limites d'Allah. C'est-à-dire que la femme, elle fait une demande sans qu'il y ait une raison valable. Elle demande le khula sans qu'il y ait une raison valable. Alors là, certes, il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, celle qui demande le divorce, le talaq, sans qu'il y ait de mal, donc sans qu'il y ait de raison valable, alors l'odeur du paradis lui est interdite. L'odeur du paradis lui est interdite. Et donc ici, barakallahu fikum, on comprend dans ce hadith que c'est un péché, un grand péché de demander le divorce sans qu'il y ait de raison valable. Souvent les gens, ils pensent qu'une raison valable, c'est une erreur ou une faute de l'un ou de l'autre. Non, puisqu'on va tous fauter dans tous les cas. À ce moment-là, on va tous divorcer. Puisqu'on va tous fauter. D'où l'importance, barakallahu fikum, avant de demander le khul, de vérifier que effectivement c'est une raison valable. Il est important donc de vérifier premièrement que c'est une raison valable. Et donc, on comprend, chers frères et sœurs, barakallahu fikum, qu'on doit faire la différence entre le talaq et le khula. Ce sont deux sujets qui sont différents. Et le problème qui arrive souvent en France, c'est que les gens, lorsqu'ils sont dans une situation de colère, en dispute ou autre, ils ne vont pas penser à toutes ces règles. Qu'il y a une différence entre le talaq et le khula. La femme, elle va dire à son mari, divorce-moi. Et lui, il va lui dire, ok, je te divorce. T'es divorcé. C'est un talaq ou c'est un khula? Ensuite, il pose la question, est-ce que c'est un talaq, est-ce que c'est un khula? Parce que ce sont deux sujets différents. Les conséquences sont différentes. D'où l'importance de connaître le jugement, d'où l'importance de connaître les règles. Comment on divorce? Et donc, si l'homme, il a donné ce divorce en disant « je te divorce » avec intention du khula, c'est un khula. Et le khula implique que ils sont divorcés immédiatement. Ce n'est plus sa femme. Elle n'a plus le droit de se présenter devant lui sans son voile. S'il a dit cette parole « je te divorce » avec intention du talaq, alors là, c'est un talaq. Et elle a trois périodes de viduité. Et donc, elle a trois périodes de menstrues. Donc, elle a trois menstrues comme période de viduité. Avant que le divorce soit effectif. Et le gros problème, c'est que souvent, les gens, ils contactent, ils disent, il s'est passé ci, elle m'a dit, vas-y, donne-moi mon divorce. Je lui ai dit, ok, tiens, t'es divorcé. Et nous, on demande, on dit, mais t'avais quelle intention? C'était quoi? C'était le khul ou le talaq? Je sais pas. Subhanallah al-Ali al-Azim. On se marie, on n'apprend pas les règles du mariage, on n'apprend pas les règles du divorce, on ne cherche pas à savoir. Le mariage, c'est devenu un jeu, en fait. C'est devenu un jeu. Et donc, il est important d'apprendre notre religion, barakallahu fikoum, afin de ne pas tomber dans des situations délicates. Une question qui se pose. Est-ce que le khul, c'est un talaq ou alors une annulation de mariage? Ça, c'est un sujet de divergence entre les savants. Les quatre imams sont d'accord sur le fait que le khul est un divorce, donc définitif. Ce qui est voulu par définitif, c'est-à-dire que la femme n'est plus son épouse. Même s'ils peuvent se remarier par la suite, en refaisant un contrat de mariage, en recommençant à zéro. Et donc c'est une séparation définitive. Et donc ce n'est plus son épouse. Là, les quatre imams sont d'accord. Mais ils ont divergé. Est-ce que le khoul va avoir le même jugement que le talaq? Ou pas? Ce qui est voulu par là, quand est-ce qu'on comprend cette divergence, barakallahu fikoum? C'est lorsque un homme va divorcer sa femme, il va lui donner le talaq deux fois. Il a dit à sa femme, anti talaq. Ensuite, ils se sont réconciliés, se sont remis ensemble, etc. Et quelques mois après, elle lui dit, anti talaq. Ils se réconcilient encore une deuxième fois, ils se remettent ensemble. Et là, c'est elle qui lui dit, je veux mon khoul. Je veux mon khoul. Il lui donne. Est-ce que ce khoul qui vient de se faire, il a le même jugement qu'un talaq, ou alors c'est un autre jugement? Si on dit qu'il a le même jugement qu'un talaq, ça veut dire que ces trois talaqs, il ne peut plus se remettre avec elle, sauf si elle se remarie avec un autre homme. Si on dit que le khoul a un autre jugement que le talaq, c'est une annulation de mariage, alors là, s'ils veulent, ils peuvent refaire un nouveau contrat de mariage et se marier ensemble. Sans que il lui ait une obligation, sans qu'il lui soit obligatoire à elle de se marier avec un autre homme et d'avoir un rapport avec lui. Et donc la majorité des savants, ils voient que le khoul a le même jugement que le talaq. Et donc l'homme qui va divorcer son épouse, qui va lui donner le talaq deux fois, puis par la suite, la troisième fois, c'est elle qui demande le khoul et qui obtient son khoul, à ce moment-là, ils ne peuvent pas se remarier, sauf si elle va se marier avec un autre, comme on a expliqué tout à l'heure. Ça, c'est l'avis de la majorité. Par contre, l'imam Ahmed, rahimahullah, lui, il a un autre avis. L'imam Ahmed, lui, il voit que le khoul, ce n'est pas un talaq. Le khoul va être une annulation de mariage. Et donc, dans ce cas-là, l'homme qui a donné deux talaqs à sa femme, ensuite elle a eu son khoul, ils se réconcilient tous les deux, il peut se remarier avec elle. Parce que ce ne sont pas trois talaqs, ce sont deux talaqs et un khoul. Quelle est la preuve de l'jumhur? La preuve de la majorité des savants, lorsqu'ils nous disent que le khoul, c'est un talaq, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant l'histoire qu'on a vue tout à l'heure, l'histoire de Thabit ibn Qays. Lorsque sa femme lui a demandé le khoul, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à sa femme, est-ce que tu lui rends le jardin? Elle a dit oui. Là, le prophète, il a dit à Thabit, iqbalil hadiqa, accepte le jardin, wa talliqha tatliqa, et donne-lui son talaq. Et donc, ils utilisent cela pour dire que le khoul, c'est un talaq, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le terme talaq. Et donc, à partir du moment où la femme demande le khoul, ça fait un talaq. S'il y a déjà eu deux talaqs avant, ça fait trois, ils ne peuvent plus retourner ensemble. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants. La preuve de l'imam Ahmed, rahimahullah, l'imam Ahmed, lui, il s'appuie sur les versets du Coran qui concernent le talaq. Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, il nous parle du premier talaq. Il nous parle du premier talaq. Et ensuite, il aborde le sujet du deuxième talaq, le verset d'après. Il nous dit, et talaq marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi'ihsan. Le deuxième talaq, à partir du deuxième talaq, et donc soit donc l'homme il garde sa femme, soit l'homme il garde sa femme de manière convenable, soit il la libère de la meilleure des façons, de bonne façon. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف ان لا يقيم حدود الله. Et donc il ne vous est permis de leur prendre quoi que ce soit. Donc la femme, tu veux la divorcer, le deuxième divorce. Il ne vous est pas permis de prendre la dot que vous leur avez donnée. Tu as donné la dot à la femme, il ne t'est pas permis de reprendre la dot lorsque tu lui donnes son talaq. Sauf si vous avez peur de ne pas respecter les limites d'Allah. فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. Et donc, si vous craignez de ne pas respecter les limites d'Allah, alors là, il n'y a pas de mal qui leur est fait à tous les deux dans ce qu'elle aura donné pour se libérer, la dot. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala a cité deux talaqs. Et ensuite, Il a cité le roule. Et donc, si le roule était un talak, il n'aurait pas été permis à l'homme de se remarier avec elle. Et il n'y aurait pas eu de nécessité de citer un troisième talak après. Puisque l'homme, ici, à partir de là, c'est le troisième. Si le roule était un talak, ça aurait été donc le troisième. Et donc, à partir de là, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous aurait dit que l'homme ne peut pas se remarier avec elle, sauf si elle a un autre époux. Mais non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Allah Azza wa Jal, après cela, il nous dit, « فَإِن طَلَّقَهَا » S'il la divorce. Et donc là, c'est le troisième divorce. Le troisième talak. C'est le troisième talak. « فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا » Et donc, si il la divorce, s'il lui donne le troisième talak, alors là, elle ne lui est plus licite jusqu'à ce qu'elle épouse un autre homme. Elle ne lui est plus licite. Et donc, si ici on dit que le roule, c'est comme un talak, ça veut dire qu'il y a quatre talaks. L'homme peut donner quatre talaks à sa femme. Or, non! C'est bien connu que l'homme ne peut donner que trois talaks à sa femme. C'est tout simplement parce que le roule n'est pas un talak. Le roule n'est pas un talak. Et ça, c'est l'avis le plus juste. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'Ibn Abbas, dans le tafsir de ce verset, il a expliqué le roule en disant que c'est un fasr, une annulation de mariage. Et donc l'avis le plus juste, barakallahu fikum, c'est que le roule est une annulation de mariage et que ce n'est pas un talak. Un homme qui va avoir un roule avec son épouse. Son épouse lui demande le roule une fois. Il lui donne, ils se remettent ensemble. Elle lui redemande le roule une deuxième fois. Il lui donne et elles se remettent ensemble. Ensuite, lui, il la divorce. C'est lui qui lui donne le talak. Est-ce qu'ils peuvent se remarier? Oui, parce que le roule, les deux roules qu'il y a eu avant, ne sont pas considérés comme des talaks. Par contre, le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dise à Thabit ibn Qais, donne-lui son talak. Ça nous montre, barakallahu fikoum, qu'on peut utiliser le terme du talak pour le khoula. L'homme, lorsqu'il donne son khoula à son épouse, il peut lui dire talak touki. Ok, d'accord, tu veux ton khoula, donc remets-moi la dot. Ok, tu m'as donné la dot, talak touki. Et donc là, on regarde l'intention de l'homme lorsqu'il lui dit talak touki. Il a voulu lui donner le khoula. C'est un khoula. Il a voulu lui donner un talak, c'est un talak. Par contre, s'il a voulu lui donner un talak, il ne récupère pas la dot. Il ne récupère pas la dot si c'est un talak qu'il voulait. Il récupère la dot quand c'est un khoula. Et donc, barakallahu fikoum, c'est important de connaître tout cela. Et pour finir, donc, parmi les différences qu'il y a entre le khoula et le talak, il y a la période de viduité, comme on a dit tout à l'heure. La période de viduité de la femme lors du talak, c'est 3 menstrues. Pendant 3 menstrues, c'est encore la femme de l'homme. Et elle ne peut pas se remarier. Par contre, elle ne peut pas avoir de demande en mariage pendant 3 menstrues. Par contre, pour le roule, alors là, la femme, elle a que 1 menstrue en période de viduité. Elle a obtenu son roule. Son mari lui a donné le roule. Elle a 1 menstrue. Ce n'est déjà à partir du moment où l'homme lui a donné le roule, ce n'est plus sa femme. Ils ne peuvent pas rester ensemble, etc. Ce n'est plus sa femme. Mais elle ne peut pas se remarier tout de suite. Elle attend la menstrue. Il faut 1 menstrue. Ensuite, barakallahu fikoum, dernier point, il y a un groupe de savants qui voit que lorsque la femme demande le roule, il est obligatoire à l'homme de lui donner. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Thabit ibn Qais, il lui a dit « Iqbali al-hadiqa wa talliqha tatliqa » Accepte le jardin et donne-lui le talak. Pourquoi? Donc les savants nous disent ici, le prophète lui a ordonné de le faire. Et l'ordre dans la législation implique une obligation. Et donc, il est obligatoire, lorsque la femme elle demande le khoul pour une raison légiférée, selon certains savants, il est obligatoire à l'homme de lui donner son rôle lorsqu'elle l'a demandé pour une raison légiférée. Et voilà, on va arrêter pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous une science profitable, il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.